j'ose en parler dans mes textes. Ma triste vie par rose pose, expose mes rimes, dépose mes proses, propose seul. Mon caractère d'insolence est lance, je me lance et parfois même solitairement je m'isole. Je mérite ce que je mérite, comment en guerre je mérite sur mes phrases. Du bien, du mal, j'hérite, danger à ripas, dangereux comme à la roulette. Rusé mec, on a la ruse pour faire péter ta boulette. Nos mots reflètent nos peines, la rage qui nous habite. J'abrite la même patate graine d'un boxeur sur un ring. Témoin du mal, moral souvent niqué. Je perturbe, pique, mec récite mes rimes à l'oral. Avoue que je fais mal à certains, c'est certes. Trop loin, c'est l'équipe, j'assure le nécessaire pour ma cité. Je cite, ici faut se démerder, un doigt sur la détente et les pieds dans la merde. J'rappe sans thème, s'rappe qui m'entraîne. J'rappe sans me freiner, s'rappe que j'aime. Rap qui m'emmène, ou même rap en mêlée. J'rappe même si t'aimes, ou même si t'aimes pas, mec. J'rappe sans thème, s'rappe qui m'entraîne. J'rappe sans me freiner, s'rappe que j'aime. Rap qui m'emmène, ou même rap en mêlée. J'rappe même si t'aimes, ou même si t'aimes pas, mec. J'traîne entre la trime et les sottises, tisse jusqu'à des heures tardives, autrui ghettoisé. Des chromos cro, couleurs chromées, rap combat. Tombé pour chi, c'est fini, on nous l'a promis. Bise, traumatisme, fini la traumatise. On pollue l'atmosphère avec des clopes aromatisées. Souvent en mission pour soi-même afin de s'évader. On se détache de certains et puis de ce qui nous entoure, mec. J'tourne en même temps que la roue, car les hommes changent, les hommes pleurent, les hommes partent et certaines scènes sont étranges. J'perturbe, j't'assure que c'est hyper dur de s'en sortir sans thune, même entre quatre murs formés. Entre claque et coup bas, tactique authentique, j'suis sincère, du genre à parler tout bas. J'persiste, toujours paré au combat. Un jour tu comprendras que j'tourne en rond comme un combat. J'rappe sans thème, s'rappe qui m'entraîne. J'rappe sans me freiner, s'rappe que j'aime. Rap qui m'emmène, ou même rap en mêlée. J'rappe même si t'aimes, ou même si t'aimes pas, mec. J'rappe sans thème, s'rappe qui m'entraîne. J'rappe sans me freiner, s'rappe que j'aime. Rap qui m'emmène, ou même rap en mêlée. J'rappe même si t'aimes, ou même si t'aimes pas, mec.